Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, c'est une petite nouveauté. J'en suis pas peu fier. C'est une nouveauté complètement... comment ? Nouvelle. Complètement con. Puisque je vais te poser des questions, c'est pour mieux te connaître, ah, pour bon, que les auditeurs d'accord. te connaissent et peut-être te donnent envie de te rencontrer. Ou pas, en fonction en fonction de tes réponses, et te donne peut-être envie de venir voir le spectacle. Très bien. Aux Trois Bornes, Pépite, les vendredis et samedis, à partir de vendredi prochain, à 20h15. Ouais. Oh là, il devient bon le mec. Alors, il devient animateur. 1h40. Il devient... Ça va le faire. Marion, plutôt Beatles ou Rolling Stones? Si Beatles. Tu veux mettre des blagues, il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord, ok. Les Beatles. Non, si enfin, tu si j'en ai, j'en dirais. Tu, tu peux me répondre les Doors, tu vois, si c'est aucun des deux. Ah d'accord, ok, oui, ouais, ok. Les Doors aussi? Non. D'accord, merci. Tu dis si je t'emmerde. Elle tient à ses Beatles. Tu prends la porte. Non, prends la porte. Je réfléchis beaucoup trop. Donc, oui, mais réfléchis pas. Oulala, en fait, il faut laisser son cerveau en bas de la radio. Là. Est-ce que tu trouves qu'on réfléchit beaucoup? Est-ce que tu trouves que Florian réfléchit? Réfléchis beaucoup. Attends, pourquoi moi quand même, Marion, plutôt crémaillère ou pendaison? Ah, crémaillère. Ah. Plutôt Mac ou PC? Mac. Ah, on fait une petite pub au passage. Plutôt Coca-Cola ou Pepsi? Plutôt jus de fruits frais. Sans glaçons. Arrêt pur. Arrêt pur, totalement. Voilà. Plutôt chien ou chat? Plutôt du calme. Du calme. Hein, du calme. Donc voilà. Je ne me demande pas si tu préfères les enfants ou les animaux. Écoute, les enfants pour l'instant, plus tard aussi. Ah. Hein, calme. Et plus loin. Très loin. Beaucoup plus loin. Plutôt moutarde ou ketchup? Écoute. C'est si on veut t'inviter à manger ça. Moi j'aime beaucoup le gomasio. Ah, arrête plus. Qu'est-ce que c'est? C'est une spécialité arménienne ou... Non, c'est. Comment ça s'appelle? C'est les graines de sésame pilées. Trouvez ça dans les magasins bio, bien évidemment. Évidemment. Voilà, c'est. Bien c'est sûr, bien sûr, aussi. Marion. Voilà. Plutôt Simpson ou les Griffins? Je veux dire les Griffins, mais c'est par rapport à un pote qui est fan de ça, donc je sais pas s'il nous écoute. On lui souhaite un bon anniversaire. Mais, alors, on est notre invité de la semaine prochaine. Ah oui, voilà, bah, écoute, très bien. Très t'es bien. Plutôt lefto ou lefpa? Lefto. Ah! Voilà. Eh bien, écoute, on te rappellera si voilà. on fait une matinale. Ah oui, mais avec grand. Mais elle faisait les marchés avec son papa, donc c'est normal. Mais, ouais, mais oui, mais oui. Ah bah alors mon père, c'est un lefto, oui. C'est ah très, très lefto, oui. Donc, m'étonne. J'ai pas le choix, là. Plutôt sardine ou sardou? Oh. Oui, oh, il y a des jeux de mots, des oh, fois. Oh, sardine, sardine. Sardine, en sardine barbec. À l'huile ou sardine... En barbecue, en barbecue. On le sent que je suis crevé, là. C'est un interview incroyable. Le mec abandonne. On fera 1h30 la prochaine. plutôt bikini ou burkini? Plutôt bikini. D'accord. Plutôt bikini. Elle nous l'a dit en Suisse. Oui, voilà. Suisse arménien, c'est rare. Jean-Luc Godard. Dernière question. Plutôt Rihanna ou Riolet? C'est Jean-Paul qui a trouvé ça. Franchement, j'aime beaucoup Rihanna, mais j'adore le Riolet. Ah, mais ben voilà. On a trouvé donc, la voilà. personne qui aime le Riolet. C'est pas vrai, vous avez personne qui aime le Riolet? Nous, on n'aime pas trop, non. C'est voilà, il y en a qui. J'ai l'impression qu'on vit ensemble avec Léa. Nous, on n'aime pas trop. Elle me manque. Nous, on n'aime pas trop. Non, mais nous le. Oui, oui, oui. Le nous, quoi. Voilà. Universel. Bah, merci, Marion. Ça nous a permis de mieux te connaître. Et on n'est pas déçus. Ah bah écoute. Alors, on ira te voir. On ira te voir et il faut retenir que tu n'aimes pas le ketchup ni la moutarde, mais... Le gomasio. Voilà.